Arnaud élaborait, avec son commis, des affiches monstres pour une exposition de tableaux. Tiens, qui vous ramène? Cette question bien simple embarrassa Frédéric, et, ne sachant que répondre, il demanda si l'on n'avait point trouvé par hasard son calepin, un petit calepin en cuir bleu. Celui où vous mettez vos lettres de femme, dit Arnaud. Frédéric, en rougissant comme une vierge, se défendit d'une telle supposition. Vos poésies, alors, répliqua le marchand. Il maniait les spécimens étalés, en discutait la forme, la couleur, la bordure, et Frédéric se sentait de plus en plus irrité par son air de méditation, et surtout par ses mains qui se promenaient sur les affiches, de grosses mains, un peu molles, à angles plats. Enfin, Arnoux se leva et en disant « C'est fait !» il lui passa la main sous le menton, familièrement. Cette privauté déplut à Frédéric, il se recula. Puis il franchit le seuil du bureau pour la dernière fois de son existence, croyait-il. Madame Arnoux elle-même se trouvait comme diminuée par la vulgarité de son mari.